闪哥。 Qu'est-ce que tu fous? Je comprends pas. Je te dis, tu comprends pas. On n'a pas de limite. C'est ça que tu comprends pas. Tu vois, tu comprends pas qu'on n'a pas de limite. Tu comprends pas. Délinquant. Délinquant. T'as mon cœur de lettres. Je suis pas là à faire tes lettres. Mais tout doucement, mais rapidement. Tu tomberas dedans comme une rage dedans. Tu fais du mal à ta famille qui sonne dans la merde. Et roi des putas, tu parles mal de ma famille, de mon cou. Passe-moi une canette, canado, casse le bébé. Tu rages le gilet gréco, j'ai plus de mer. J'aimerais habiter une villa près de la mer. Ici c'est la merde, comme jouer au foot au city. Dans la rue, on nous appelle les voleurs de poules. Car le soin, j'ai la haine contre la police, la PAC, le magistrat, le sale, le juge et l'avocat. À ce type de ça, c'est la grève, on touche pas le RMI 34, ça me fait ça de chien. Un avocat, on prenne le Beretta.